332. Activation. Oral. Conjugation of the immediate future. Listen and answer according to the example. Example, you hear. 1. Qu'est-ce que nous allons faire? You say, nous allons apprendre le français. 2. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais apprendre le français. 3. Qu'est-ce que les jeunes gens vont faire? Ils vont apprendre le français. 4. Et qu'est-ce que Jean va faire? Il va apprendre le français. 5. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je vais apprendre le français. 6. Qu'est-ce que l'américaine va faire? Elle va apprendre le français.